Chapitre 282. L'interdiction de faire souffrir les esclaves, les animaux, les femmes et les enfants sauf pour une raison légale, ou de dépasser les limites de ce qui est permis dans l'éducation. Allah Ta'ala dit « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana » وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession. Car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Sourate 4, verset 36. 1600. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Une femme a mérité le châtiment à cause d'une chatte qu'elle a emprisonnée et laissée mourir de faim. Elle a mérité l'enfer, car elle ne lui a pas donné à manger et à boire lorsqu'elle l'a emprisonnée, ni ne l'a libérée pour la laisser manger les insectes et les reptiles. » Al-Bukhari et Muslim. 1601. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il passa un jour devant un groupe de jeunes gens de Quraysh qui prenaient un oiseau pour cible avec leurs flèches. À chaque tir manqué, la flèche revenait au propriétaire de l'animal. Quand ils virent arriver Ibn Omar, ils s'enfuirent. Ibn Omar dit alors, « Qui a fait cela ? Qu'Allah maudisse celui qui a fait cela. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a maudit celui qui prend un être vivant pour cible. » Al-Bukhari et Muslim. 1602. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a interdit d'attacher les animaux pour les tuer. Al-Bukhari et Muslim. 1603. Abu Ali Suwayd ibn Muqarrin radiyallahu anhu relate ceci. J'étais l'un des sept fils de Muqarrin et nous n'avions qu'une seule esclave que le plus jeune d'entre nous gifla un jour. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous ordonna alors de la franchir. Muslim. 1604. Abu Mas'ud al-Badri, radiyallahu anhu, rapporte ce qui suit. J'étais en train de frapper mon esclave avec un fouet lorsque soudain j'entendis une voix derrière moi me disant « Sache, ô Abu Mas'ud, je n'ai pas tout de suite reconnu la voix à cause de la colère qui s'était emparée de moi. Mais lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai constaté qu'il s'agissait du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui me dit « Sache, ô Abu Mas'ud, qu'Allah a plus de pouvoir sur toi que tu n'en as sur cet esclave. » J'ai alors dit, « Je ne frapperai plus jamais d'esclave. » Dans une autre version, le fouet m'échappa de la main à cause de la crainte et du respect qu'il m'inspirait, alayhi salatu wassalam. Dans une troisième version, j'ai alors dit, « Ô messager d'Allah, il est libre pour le visage d'Allah Ta'ala. » Il dit, alayhi salatu wassalam, « Si tu ne l'avais pas fait, tu aurais été brûlé ou touché par le feu. » Muslim. 1605. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, « Celui qui frappe un esclave ou le gifle en tant que peine prévue par la loi pour une faute qu'il n'a pas commise, doit en expiation la franchir. » Muslim. 1606. Hisham ibn Hakim ibn Hizam, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il passa, alors qu'il se trouvait au Cham, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine actuelles, devant des fermiers chrétiens qu'on avait exposés au soleil après leur avoir versé de l'huile sur la tête. Il demanda « Que signifie cela ?» On lui répondit qu'ils étaient punis ou, selon une autre version, qu'ils avaient été arrêtés pour ne pas avoir versé leurs impôts. Hisham s'exclama alors « Je jure d'avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Allah châtiera assurément ceux qui ici-bas torturent les gens. » Ensuite, il entra chez le gouverneur de la région et lui rapporta le hadith. le gouverneur ordonna qu'ils, c'est-à-dire les chrétiens, soient libérés. Muslim. 1607. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vit un âne marqué au fer sur le visage et réprouva cet acte. Ibn Abbas dit, « Par Allah, je ne marquerai plus mes bêtes que sur la partie la plus éloignée de la face, et d'ordonner que l'on marque son âne sur la croupe. » Il fut le premier à instituer cet usage. Muslim. 1608. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, un âne marqué au fer sur la face passa devant le prophète, alayhi salatu wassalam, qui, en le voyant, dit « Qu'Allah maudisse celui qui l'a marqué au fer. » Muslim. D'après une autre version de Muslim, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a interdit de frapper le visage ou de le marquer au fer chaud.